Arrivederci, amore. La caméra nuptiale, spacieuse, lit immense, porte bien son nom. Sauf qu'elle n'est pas tout à fait terminée. La tapisserie manque de raccords et des fils électriques pompent un peu partout. Mais les deux lampes de chevet sont fonctionnelles et il y a, Faustine tend l'oreille, manifestement de l'eau dans la salle de bain. Chutée, elle a laissé son tour à Mathieu, invoquant le temps qu'elle prendrait à sortir son bazar de son sac, puis à faire sa toilette. Elle a compris que si Mathieu se prétend expérimenté, il fonctionne tout de même selon des clichés relativement faciles. Une femme met du temps dans une salle de bain, point. Faustine en profite. Quand elle en sort, enfin, oh surprise, son compagnon dort à poing fermé. La journée, la route, le champagne ont eu raison de lui. Ne reste plus à la jeune femme qu'à se réveiller la première et sa vertu sera sauve, disant ménager, pour cette fois. De fait, il roupit toujours vers midi quand Faustine ouvre l'œil. Elle se lève, fit ça, avant que le jeune homme songe à devenir sentimental. Bien emmitouflée, elle part à la recherche d'une pharmacie. Nous sommes samedi 1er janvier 1977, dans un faubourg très éloigné du centre de Bologne. Dans les ruelles désertes, deux pharmacies, point. Par contre, un negozio generale tenu par deux matrones dont le sourire s'élargit au fur et à mesure que Faustine tente, avec les mains et son italien lavabo, d'expliquer ce qu'elle veut, à savoir des tampons hygiéniques. Faustine doute qu'elle puisse en trouver ici. Or, non seulement les mamas en ont, mais en plus de différentes tailles de sa marque habituelle. Ses emplettes effectuées, Faustine rejoint l'appartement des amis de Mathieu. Il serait temps de grignoter un morceau. Dans la cuisine, elle est reçue comme un chien dans un jeu de quilles par deux jeunes femmes qui tentent d'en consoler une troisième en larmes. Munie d'une bonne tasse de café, priorité aux choses importantes, Faustine tente de comprendre le drame qui se joue. Dans un mélange d'anglais, allemand, italien, français, manque plus que le grec, les deux hôtesses lui font comprendre que sa présence est indésirable. En effet, la pleureuse a vécu plusieurs années avec Mathieu qui lui avait promis le mariage. Hélas, il l'avait rejeté après l'avoir, prétendument, abondamment trompée. Or, contre toute logique, la victime gardait l'espoir que son Don Giovanni lui retomberait dans les bras, puisqu'il avait accepté l'invitation de leurs amis communs, sachant qu'elle serait là. Faustine réalise subitement les motivations de Mathieu et le pourquoi de son invitation. Elle lui sert tout bonnement de bouclier. Elle intègre en même temps qu'il semble jouer un peu facilement avec les cœurs de ces dames. Cela ajouté à certains signes indubitablement machistes, signe pour elle la fin de tout espoir d'alliance. Ils ne vieilliront pas ensemble. On parle du loup et le voilà qui arrive, l'estomac dans les talons. Très vite, la jeune éplorée se reprend, cache ses larmes, va rafraîchir son maquillage avant de se mettre au fourneau avec ses deux comparses. Les amis, compagnons, époux émergent à leur tour et tout le monde se retrouve à table. Spaghetti en entrée, piccata milanaise, zabaione, le festin est mémorable. On boit beaucoup, bien sûr, pour arroser tout ça. Faustine, qui ne comprend pas grand-chose à ce qui se dit, en profite pour ausculter les visages et les attitudes. Elle a été impressionnée par la rapidité avec laquelle la victime de Mathieu s'est maîtrisée. Comme elle se domine bien. Le jeu de séduction qui se met en place pendant le repas est vraiment intéressant. Une fois passée sa déception première, Faustine a désormais assez de recul pour apprécier la situation. Elle regarde avec fascination l'araignée tisser sa toile. Sa supposée proie, hésitant entre culpabilité et cynisme, esquive. Il fait déjà nuit quand la compagnie sort de table. Sans doute pour échapper aux fatigantes velléités de reconquête de son ex, Mathieu invite Faustine ainsi qu'un pote célibataire venu les rejoindre en cours de repas dans une discothèque. Là, enfin à l'abri des regards suppliants et des sous-entendus, on respire de nouveau. Les verres se succèdent. Faustine a englouti le sien, puis en a commandé un second. Au milieu de la piste de danse déserte, son verre dans une main, une cigarette dans l'autre, elle danse. Les deux hommes se rincent l'œil tout en discutant passionnément. Depuis le temps qu'ils se sont perdus de vue, ils ont des nouvelles à partager. Faustine tente d'attirer Mathieu pour un slow, rien à faire. Ah, ces hommes, quels bavards! Quand ils ont bu, il n'y a rien à en tirer. Alors qu'elle, plus elle boit, plus elle se réveille et se désinhibe. Provocante, elle ose tout. Elle évacue l'alcool en se donnant à fond. C'est sa manière de pratiquer l'aérobic avant l'heure. Tout le parterre est à elle. C'est peu dire qu'elle en profite. Le bastring, qui comprend plusieurs salles, est ultra moderne. Génial la musique. Le disque jockey passe tous les derniers succès. Comment résister à Adriano Celentano? Son surnom c'est l'Urlatore, quand il hurle donc 24 000 baci. Et à Umberto Tozzi dans Ti amo. Et à Alan Sorrenti qui murmure dans le creux de ton oreille Tu sei l'unica donna per me. Oui, d'accord, c'est bien joli. Mais à quand mon tour? Pense Faustine en reprenant son xième verre. Ce soir, on dirait que l'alcool n'a pas plus d'effet que du lait, à part de lui donner soif. « Ouh là là là là, je vais être malade !» pleure la jeune femme, sitôt qu'ils arrivent à l'hôtel après cette soirée enivrante. Heureusement, la porte qui donne sur le balcon est ouverte, et hop, elle baptise la façade. Et ce lit farceur qui tangue n'arrange rien. Il faudra à Faustine deux ou trois allers-retours au balcon pour calmer le jeu avant de s'écrouler définitivement. « Je veux mourir !» Pour se ménager une fin de nuit à peu près tranquille, elle a posé sur l'oreiller de son ex-futur prince charmant l'emballage des tampons achetés ce matin. Le message devrait être assez clair. De fait, elle n'a rien revu, ou alors elle n'a rien senti, à part un sacré mal aux cheveux ce matin au réveil. Merci, monsieur Alka-Seltzer. Le retour à Grasse, tout de suite après un copieux petit déjeuner, se passe infiniment mieux que l'aller. Toutes les tensions ont disparu. Faustine ayant abandonné la possibilité d'une éventuelle union, les enjeux sont périmés. Les deux jeunes gens deviennent des camarades, mieux des complices. Faustine évoque à mots couverts son indisposition, remercie Mathieu de sa compréhension. Le jeune homme hausse les épaules. « Si j'avais vraiment voulu, il y a d'autres moyens de satisfaire un homme, tu sais. » Il a parlé sans la regarder. Faustine rit, jaune. Passant comme chat sur braise, elle le questionne sur la jeune Italienne éperdument amoureuse de lui. « Bah, elle en trouvera bien un autre. Elle était complètement cinglée de toute façon, d'une jalousie maladive. Impossible de vivre avec elle. » Les péages se succèdent. Matt, qui a tout dépensé hier soir dans la boîte de nuit, n'a plus un sou. C'est Faustine qui paye. « Pagare, pagare !» chante-t-il en riant à chaque station. Faute de moyens suffisants, ils se passeront de déjeuner. La nuit tombe alors que les faubourgs de Grasse émergent à l'horizon. Faustine propose à son pilote de lui faire à souper, mais il refuse, préférant la cuisine de sa maman. De plus, demain, lundi 3 janvier, il travaille tôt. Heureusement que Mathieu n'a pas accepté l'invitation de politesse de Faustine. Elle n'a plus rien à manger dans son studio. Alors ce soir, une tisane, une bonne douche et au lit. Lundi matin, Faustine retrouve sa famille avec plaisir. Stéphane a encore une semaine de vacances. Ils se verront à midi. Par contre, pour Faustine et ses parents, le chômage n'est pas de mise. Plusieurs magasins de cadeaux souvenirs dans les stations de sport d'hiver, comme Ondon ou Les Arcs, ont passé des commandes de dernière minute. Faustine raconte ses fêtes avec quelques omissions, tout en cousant du galon sur ses bandes de tissu. Et maman fait de même derrière sa machine à coudre. Ils ont vu tonton Valti et tata Maria à Bâle, ainsi que le pépé. Ensuite, ils sont allés tous ensemble dans le petit appartement loué à Squall, dans les Grisons. Maman a trouvé l'endroit génial. D'ailleurs, il est réputé et très fréquenté poussaient des taxes sur les bouteilles d'alcool fort. Ils ont passé d'excellents moments à jouer aux cartes, à siroter du whisky bon marché et à se promener dans la neige. Les journées défilent comme chaque fois qu'on travaille. Faustine n'a plus croisé Mathieu. Sevrée de distraction, elle se réjouit de pouvoir retourner au Pied Bleu les samedis soirs dès sa réouverture fin janvier. En attendant, elle retourne chez ses amis Jeanne et Lucas. Jeanne entame le 6e mois de sa grossesse. Elle est épanouie et magnifique, ça fait envie. Lucas, lui, est heureux aussi, mais en tant que soutien de famille, il s'inquiète et se plaint du manque de travail dans la photographie. Avec l'arrivée du petit, il craint de devoir vendre le magasin. L'autre alternative serait de trouver un employeur qui lui garantit son salaire mensuel, mais dans sa partie, ce n'est pas gagné. Faustine quitte ses amis, presque aussi soucieuse qu'eux. Que vont-ils devenir ? La situation économique n'est pas florissante sur la Côte d'Azur en ce moment. Comme d'habitude, ce sont les métiers artistiques qui pâtissent le plus de la conjoncture. De nos jours, il vaut mieux être boulanger ou plombier que peintre ou photographe, tiens. Un soir de la mi-janvier, Faustine termine sa journée quand maman la réelle. « Stine ! Téléphone ! J'arrive ! Qui c'est ? Maxime !»